Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi, avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Premier épisode. Vous aussi, vous rêvez de percer dans un métier artistique qui ne cesse d'offrir de nouvelles opportunités ? Aujourd'hui, être voix off ferroviaire, ce n'est pas seulement une affaire de comédien. La voix off ferroviaire s'ouvre à des talents issus de tous les milieux professionnels, l'essentiel n'étant pas d'avoir une belle voix, mais de savoir bien s'en servir. La voix off ferroviaire désigne l'ensemble des voix que l'on entend sur les lignes de chemin de fer. Trains à grande vitesse, trains express régionaux, voire chemin de fer métropolitain communément appelé métro. Nom des stations, nom de ville, messages d'arrêt d'urgence, les prestations sont très nombreuses dans ce métier. Alors, à vous de faire entendre votre voix. Lors des castings, les candidats seront jugés sur le timbre de leur voix, sur leur qualité d'interprétation et sur leur connaissance de la géographie. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Asseyez-vous. Mettez-vous bien en face du micro. Voilà. Bon. On va commencer par le plus simple, si je puis dire. La reine des stations ferroviaires de la France, Saint-Pierre-des-Corps. Quel département ? Indre-et-Loire, mademoiselle, Indre-et-Loire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au XIXe siècle, Tours a refusé le chemin de fer. Je dis bien refusé le chemin de fer. Et c'est ainsi que l'obscure paroisse de Saint-Pierre-des-Corps est devenue l'un des plus grands nœuds de communication de la France. C'est bien sûr passionnant, mais nous nous contenterons de parler diction. Donc, je vous écoute. Quoi ? Quoi ? Eh bien, il est 15h42, le TER Centre va entrer en gare de Saint-Pierre... Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, pardon, j'ai oublié de répéter. Saint-Pierre-des-Corps ? Saint-Pierre-des-Corps. Un octosyllabe avec césure à l'hémistiche, c'est pourtant simple. Reprenez. Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps. Non, mademoiselle, là on entend décor, magasin de déco, Saint-Maclou, que sais-je. Le corps de pierre, mademoiselle. Le corps de pierre. Savez-vous comment on appelle les habitants de Saint-Pierre-des-Corps ? Non. Les corpopétruciens. La ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean, mademoiselle, l'une des plus anciennes lignes radiales de France. Napoléon III arrivant en train pour se faire sacrer empereur. Oh, mais je vois bien. Vous êtes du genre à partir de Montparnasse quand vous allez vers le sud. Vous partez de Montparnasse ? Non, enfin, oui, je... Vous ne savez pas, mais moi je sais. Si vous aviez pris le Paris-Austerlitz-Bordeaux-Saint-Jean une seule fois dans votre vie, ma petite dame, vous ne déclameriez pas à l'envers. Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, c'est l'octosyllabe le plus connu de France. Et je chantais cette romance, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, en 1903, sans savoir, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps. Que mon amour a l'assemblance, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, du beau phénix, s'il meurt un soir, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, le matin voit sa renaissance. Bon, mais je vois que la poésie d'avant-garde vous laisse de marbre. Alors soit, on essaie autre chose. Il est 15h53. Notre TER repart vers une petite ville voisine, comme une Française du Loir-et-Cher, la ville... de mer. Je sais, il n'y a qu'une syllabe, mais on doit entendre l'octosyllabe. Mer. Mer. Alors ça, voilà qu'on croit que c'est la mer. Il y a trop de vagues dans votre voix, mademoiselle, bien trop de vagues. C'est une petite ville rurale, mademoiselle. 5949 habitants, c'est pas l'Eldorado. Mer. Mer. On dirait que vous dites merde. Recommencez, je vous en prie. Et souvenez-vous de l'arrêt royal parmi tous les arrêts du réseau ferroviaire français. Souvenez-vous du chant. Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps. Mer, mer, mer, mer. Mer, mer, mer, mer. Ah, c'est une bonne idée, ça. Une très bonne idée. Mais les normes de la Société nationale des chemins de fer sont ce qu'elles sont. Deux répétitions, pas quatre, ni trois, ni douze. Bon, on oublie la mer, on fait un dernier essai avec Blois. On est sur le TER de 11h52. Et n'oubliez pas, comme un octosyllabe, on monte, on descend. Blois. Blois. Oh non, comme une montagne, pas comme un gouffre. On recommence. Blois. Blois. Mais enfin, Blois, Blois, Blois. Y a que les moutons qui bêlent sur la même note. On monte et on descend. Mais c'est difficile. Et puis, je comprends pas. Pourquoi on le dit deux fois le nom de la ville ? Parce que, dans ce laps de temps, le voyageur voyage. La voie monte. Saumur. Oh, on va arriver. Mon Dieu, vite, les enfants remettent leurs chaussures. On prend les manteaux. Mon Dieu, où est rangé mon sac ? Et dans les 24 dixièmes de seconde qui séparent le premier Saumur du second Saumur, le manteau est mis, les chaussures sont lacées, le sac retrouvé. Saumur. On arrive. Le ciel s'éclaircit, les roues de l'avion se posent, on entre dans le port, on caresse le sol, on y est, on est là, on y est, on est arrivé. Pensez-y la prochaine fois quand vous prendrez le train. Personne suivante. C'était Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi. Premier épisode, avec Jeanne Lepers, Hélène Rancurel, Pauline Bell. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laure Egoroff.